Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Annie Ernaux, Antonio Lobo-Antunesch, André Brink, Jean Dormesson, Lydie Salvet, Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Jean-Philippe Toussaint. Cette semaine, Arnaud Laporte rencontre Jean-Philippe Toussaint. Ce soir, écrire. Jean-Philippe Toussaint, nous avons évoqué hier vos débuts, que ce soit en littérature, avec la publication de La Salle de Bain en 1985, mais aussi au cinéma, comme réalisateur, avec Monsieur en 1990. Alors pour la première exposition, c'était un peu plus compliqué, il y a eu plusieurs débuts. J'avais proposé hier une règle simple pour cette série d'avoinu, donner à chacun des 5 entretiens un titre qui soit un verbe à l'infinitif. Pour celui-là, j'ai pas cherché très loin, parce que je vais vous proposer écrire aujourd'hui. Et plutôt que de vous demander une réaction à ce simple verbe, citez cet extrait de votre livre à la télévision. Dans la perspective même d'écrire, ne pas écrire est au moins aussi important qu'écrire. Oui, et je poursuis cette remarque de bon sens dans l'urgence et la patience, où là encore, on peut dire que la patience est l'ensemble des moments d'écriture où on n'écrit pas, d'une certaine façon. Et c'est vrai que l'urgence et la patience, et en particulier le texte qui porte ce nom-là, l'urgence et la patience, est une vraie réflexion sur la manière dont j'écris. Et j'essaie d'être le plus concret possible. J'ai essayé de me dire, mais qu'est-ce qui est en jeu quand j'écris? Comment ça se passe? Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait deux notions tout à fait contradictoires qui étaient à l'œuvre. L'urgence et la patience sont apparemment contradictoires. Est-ce qu'il faut se dépêcher ou est-ce qu'il faut prendre son temps? Eh bien, les deux. Et les deux se complètent et les deux sont nécessaires. On pourrait imaginer un auteur qui travaille énormément et qui est toujours en train de reprendre ce qu'il écrit. Enfin, d'une certaine façon, on pourrait citer l'exemple de Flaubert. Enfin, tous les écrivains qui se situent dans cette ligne-là, il leur manque peut-être le moment où ils lâchent complètement prise et qu'ils vont aller découvrir quelque chose et que le livre se ferait en très peu de temps. Et puis d'un autre côté, il y a les auteurs qui ne peuvent procéder comme ça. Enfin, je veux dire, Stendhal qui écrit La Chartreuse de Parme, je crois que c'est 53 jours, Faulkner qui, une sorte de flux qui part. Et alors évidemment, les très grands finalement se relisent, etc. Bon, moi je me suis rendu compte après avec ma propre expérience que finalement, il fallait beaucoup de patience en amont et en aval. Parce que j'ai eu quelques expériences malheureuses, et en particulier pour un livre qui s'appelle La Réticence, où j'ai beaucoup souffert, trop souffert, parce que je n'y arrivais pas. C'était trop douloureux, et c'est parce que je m'y mettais tous les jours, tous les matins. Et finalement, j'avais plus aucun recul, et plus aucune envie, plus aucun élan. Et après cette écriture de ce livre-là, je me suis dit, ça, je ne fais plus jamais. Il faut qu'il y ait un élan qui me porte. Et donc, j'ai compris que avant d'aller chercher cet élan, il fallait beaucoup de temps, et qui était déjà une partie de la patience, qui est le temps où finalement le livre va mûrir à l'intérieur de soi-même. Et puis, il faut bien sûr, mais ça c'est la moindre des choses, une fois qu'on a réussi à sortir quelque chose dans les phases d'urgence, se relire infiniment. Bon, mais ça je l'avais toujours fait, ce côté de me relire, j'ai jamais été rebelle à la tâche. Mais ça, c'est une chose dont vous avez parlé plusieurs fois, Jean-Philippe Toussaint, dans des entretiens ou dans des textes, là. Donc, effectivement, cette patience, le côté flaubertien, Je crois que le ratio pour lui, on parlera de vos brouillons dans une autre émission, mais c'était 18 pages de brouillon pour une page propre, hein, je crois, de mémoire. Mais avec effectivement l'idée qu'il faut parfois lâcher la bride, mais que ça se décide pas non plus. Donc là aussi, on est dans un apparent paradoxe, c'est-à-dire de très contrôler et en même temps pouvoir lâcher, mais contrôler ce moment où on lâche. Voilà. Alors il y a aussi une chose, c'est que on a beaucoup parlé de l'inspiration, et l'inspiration était une sorte de presque de mythe romantique. Et les auteurs du nouveau roman rigolaient doucement quand on leur parlait d'inspiration. Ils disaient ah, qu'est-ce que c'est que ça, l'inspiration, c'est du travail. À juste titre. Mais en même temps, j'ai toujours eu conscience qu'il y avait quelque chose et qu'on ne pouvait pas jeter simplement l'inspiration à la poubelle sans autre forme de réflexion. C'est ce que j'ai fini par appeler l'urgence. Et je me suis dit aussi qu'il y avait un territoire de l'urgence et que ce territoire, il se trouvait à l'intérieur, au fond de soi-même, qu'il fallait d'une certaine... Alors, j'ai développé une métaphore avec les fonds sous-marins, les abysses, et qu'il fallait descendre très profondément au fond de soi, au fond de l'écriture du livre, et qu'à un moment, finalement, le livre se dénouait et allait surgir d'une certaine façon tout seul. Et tout trouve sa forme, la bonne forme, la bonne place, l'adjectif est bien, le rythme est bien, tout est bien, mais que ces moments de grâce ne sont le fruit que d'une infinie patience. C'est, s'il n'y a pas eu de patience préalable, on n'y arrivera pas. Donc c'est toute cette réflexion-là. Et j'ai essayé de rendre ça le plus concret possible, d'essayer d'expliquer, voilà, c'est comme ça que, pour ma part, je travaille. Vous citez encore une fois dans ce livre, L'urgence et la patience, quand on a trop le nez dans le manuscrit, l'œil dans le cambouis des phrases, on perd parfois de vue la ligne du livre. Or, j'aime me représenter le livre comme une ligne. J'aime cette abstraction où la littérature rejoint la musique et où la ligne du livre ondule, monte, descend au gré de pures questions de rythme. C'est-à-dire qu'on est à la fois tout près du texte et en même temps il faut pouvoir le regarder comme un paysage d'un peu plus loin. Oui, c'est une des réflexions. J'ai toujours considéré le livre comme quelque chose qui m'était extérieur et que je pouvais visualiser. Et finalement, c'est le mot « ligne » qui me plaît le plus. Et donc, un peu comme en musique, il s'agit de ménager des montées de rythme. Et ça, c'était extrêmement important, surtout quand on écrit des livres comme les miens, qui ne sont pas fondés sur une histoire, ou une narration, ou une fiction au sens de plot anglo-saxon. Donc, il n'y a pas grand-chose qui les soutient. Donc il faut que le rythme soit absolument impeccable pour que l'attention du lecteur soit captée, et ensuite avec lui, une fois que je l'ai capté, je monte avec lui vers un sommet de rythme, une sorte d'acmé, et j'ai bien conscience de ça. Une des questions qui se pose, c'est une fois que je suis tout en haut, enfin, donc à la fin d'une partie très forte, où il y a eu une sorte de, comme dans La vérité sur Marie, le pur sang s'est échappé, il a fui sur le tarmac de l'aéroport de Narita, c'est une scène très très forte. Et je fais quoi une fois que je suis en haut? D'un point de vue de musicien, du point de vue du rythme, une des solutions, c'est d'arrêter la partie, fin de la partie, donc on passe troisième partie. Si c'est troisième partie, je suppose que le lecteur a le droit de poser le livre et d'aller faire un tour ou de recommencer le lendemain, ou en tout cas, j'aurai marqué une partie, ce qui me permet de repartir plus bas. Parce que c'est une illusion de vouloir toujours monter. On pourrait l'imaginer, mais c'est extrêmement difficile de faire une sorte de le mot allemand c'est Steigerung. Steigerung, c'est ça vient de monter, enfin qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Enfin un livre qui montrait, jusqu'à la dernière phrase. Alors ça peut être un objectif, hein, mais je pense que c'est quand même très difficile à tenir. Donc je préfère qu'il y ait plusieurs cols. Et puis après on redescend et on remonte. Mais je crois que ces questions de rythme, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le lecteur ne le perçoit peut-être pas directement, mais c'est ça qui va maintenir intact son intérêt. Il faut capturer l'attention du lecteur, et ensuite on ne le lâche plus, et on l'accompagne. Et lui, normalement, il vient aussi, il est content de venir avec nous. Alors, plusieurs questions qui découlent de cette Belle réponse, Jean-Philippe Toussaint. Peut-être une qui vient tout de suite, parce que sur la qui monte, qui monte, qui monte. Vous l'aviez depuis quand en tête la phrase qui clôt la tétralogie de Marie, qui est une phrase à la fois terriblement émouvante et très drôle aussi en même temps? C'est une question très difficile, enfin une question très difficile. Alors, ce qui est très curieux, c'est que j'ai très longtemps été déçu que le livre et le cycle romanesque s'achèvent par cette phrase. Donc j'ambitionnais mieux, je cherchais mieux, je voulais mieux. Et apparemment, plus d'une personne m'a dit, mais c'est formidable cette dernière phrase. Enfin, donc d'une certaine façon, ça m'a échappé, tant mieux. C'est souvent ce que je cherche, ce qui m'échappe, parce que j'ai tendance à toujours tout vouloir contrôler. Donc là, c'est vrai que je n'avais pas perçu la force que pouvait avoir cette dernière phrase. Au contraire, je cherchais à trouver mieux. Par contre, ce dont j'étais très conscient, c'est que dans l'espèce de plan que j'avais imaginé, le livre se poursuivait encore au moins sur 5 ou 6 pages, enfin 10 pages, et que, pour vous le dire, à titre de confidence, il quittait l'île d'Elbe. La deuxième partie, c'est un voyage à l'île d'Elbe. Et surtout, il se rendait compte que non seulement pendant toute cette journée, ils n'avaient jamais enlevé leur manteau, à aucun moment, et que Marie n'avait jamais ouvert sa valise. Donc cette très grosse valise Valise, ouais. qu'elle trimballe depuis le matin, elle ne l'avait jamais ouverte. Donc c'était sur cette idée-là que j'étais. Je me suis rendu compte que la scène d'amour dans la chambre était évidemment une fin, et que je pouvais difficilement écrire quoi que ce soit de mieux derrière cela. Donc ça, je m'en étais rendu compte. Le fait que cette scène d'amour dans la même chambre, donc ça, qui se passe au début novembre, alors que ils avaient fait l'amour à la fin de l'été, fin août, dans ce même lieu, c'est sûr que là, j'avais trouvé une très bonne scène. Donc là, je me fais un compliment, je me suis fait presque un reproche, mais là, je me fais un compliment, et que là, je ne pouvais pas trouver mieux, et que c'était inutile. Et c'est assez curieux, c'est que j'ai à peine écrit ce que j'avais imaginé, un peu quand même, j'étais sur ma lancée, mais j'ai tout de suite compris que ça n'irait pas plus loin, et que le livre et le cycle aussi s'arrêteraient là. Et puis vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Philippe Toussaint, cette fameuse scène Zahir, le pur sang sur les pistes de l'aéroport de Tokyo, la difficulté à l'embarquer dans cet avion. Et vos lecteurs se souviennent à coup sûr de scènes comme ça très marquantes, comme celle-ci, comme la fuite à trois sur une moto dans les rues de Pékin, comme le mannequin recouvert de miel et entouré d'un essaim d'abeilles. Voilà, ces grandes scènes. Alors qu'on dit d'anthologie d'une façon un peu courante et un peu bête sans doute, mais est-ce que ces scènes, ces séquences, j'ai presque envie de dire, elles font pour vous partie, alors bien sûr du projet global, mais est-ce qu'elles ont un traitement quand même particulier? Est-ce qu'elles ont une forme d'autonomie, d'existence, non pas autonome du reste du livre, mais dans leur économie narrative? Mais en réalité, plus ça va, plus j'essaye de ne faire que ce type de scène, et d'enlever tout le reste. Et donc, je voudrais idéalement écrire un livre avec 3-4 scènes, et que toutes aient cette force, et force visuelle, force émotive, et que finalement, je me suis rendu compte que je passe beaucoup de temps à relier les scènes, à chercher une sorte de justification, de plausibilité, de nécessité, mais que ça n'a pas beaucoup d'importance. Et finalement, un livre comme Dans la vérité sur Marie, le livre lui-même est venu d'une image qui était ce cheval Zahir qui vomit à 10 000 mètres d'altitude dans les soutes d'un Boeing 747. Et j'ai eu cette image avant même le reste. Et une des premières questions que je me suis posée, je trouvais cette image très belle un cheval secoué dans les soutes d'un Boeing et qui vomit. Alors, premier problème, c'est que les chevaux ne vomissent pas dans la réalité. Donc, j'ai été obligé d'aller un peu au-delà de la réalité, enfin, donc d'être dans la fiction. Voilà. Bon, mais j'y étais de toute façon en écrivant un livre. Mais une des questions que je me suis posée aussi, c'est d'où il sort ce cheval? C'est quoi ce cheval? Et donc là, j'ai réfléchi dans l'autre sens. Je l'ai relié finalement. À Jean-Christophe Degé, à un personnage qui. Et donc, j'ai décomposé, mais la première idée, c'était cette idée d'avoir ce cheval dans la soute du Boeing. Et c'est ça qui m'intéressait. D'une certaine façon, c'est la première chose qui est venue, ça. Et c'est après que j'ai construit, mais je dirais à l'envers. Ce n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. Et donc, ce que je veux dire, c'est que presque la robe en miel, c'est la même chose, mais la robe en miel, c'est au début du livre. Mais là aussi, c'est un point de départ plus qu'un aboutissement. Et pour redire, il faudrait qu'il n'y ait que des scènes aussi fortes. On rejoint les questions de rythme. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté, c'est une question de rythme, parce que de faire que des scènes fortes sans transition, pourquoi pas, mais il faut quand même qu'il y ait un rythme, il faut quand même qu'il y ait des moments de montée, et pour qu'il y ait des moments de montée, il faut qu'on soit redescendu un moment. Mais ça reste assez musical, ça. Une question sans doute trop simple, Jean-Philippe Toussaint, mais quand vous dites que vous avez cette image d'un cheval vomissant dans les soutes d'un avion à 10 000 mètres d'altitude, elle sort d'où cette image? Elle vient d'un rêve? Elle arrive comment? Bah, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle arrive. Je pourrais pas trop. Là, c'était pas dans le Je bus l'attends, entre je l'attends. République et Bastille, non? Ça arrive Non, non, comment? non, non. Elle est arrivée après fuir. Enfin, après le livre fuir. Alors, une autre image très forte, c'est les trois personnes sur la moto. La fuite des trois sur la moto. Là, j'ai une vraie explication. Elle vient d'une photo. J'ai fait un jour à Changsha, une ville chinoise qui est la capitale du Hunan. Un soir, allez, 11h30, dans une voiture, j'avais mon appareil photo, et on sort d'un restaurant, et on roule, et j'ouvre la fenêtre, et je fais quelques photos comme ça, et en rentrant, je les regarde, je les avais sur une planche contact, et je me dis, tiens, celle-là est amusante, je la fais agrandir, ils étaient trois sur la moto, et puis je la garde avec moi, je dirais dans une des chemises qui accompagnent mes brouillons, et à un moment, je dis, et si je... Si j'étais moi un des trois, enfin, si le narrateur était un des trois, je dis à dessein si j'étais moi, parce que comme ça je fais mine d'être le narrateur, enfin bon, si Alors que j'étais vous moi, êtes mari, comme tout le ouais, monde le sait. c'est ça, je suis tout le monde, je suis même la moto, je suis le Oui. cheval, enfin normalement, Oui. mais bon, je suis encore plus le narrateur, enfin, en tout cas ça me plaît de le dire comme ça, parce que à ce moment-là, j'ai dit si j'étais, enfin j'ai pensé si j'étais, et si j'étais moi sur la moto, parce que, en effet, c'est si le narrateur était sur la moto. Mais en me posant la question, si j'étais sur la moto, il va falloir que je le rende réaliste et que je le rende vraisemblable. Qu'est-ce que je vais ressentir, moi, sur cette moto, avec Li Qi, avec Chang, enfin le chinois, là? Comment ça va se passer? Et donc, les premières questions, c'est de dire, bon, comment ça se passe d'être à trois sur la moto? Et donc, ça, l'idée, elle est venue comme ça, et progressivement, je l'ai construite, et c'est devenu quelque chose. Par contre, le cheval dans le Boeing, je ne sais pas d'où ça vient. Ça, c'est une chance. Hein. Alors, parce que ce n'est pas du tout venu dans un rêve, mais c'est à peu près la même chimie. Enfin, je veux dire, c'est venu consciemment. Alors, j'ai dû penser, j'ai dû. Mais je dirais, je ne pourrais pas. Maintenant, j'aimerais bien qu'une image comme ça m'arrive, par exemple. Mais je suis en attente. Mais ça se trouve, je vais attendre 2 ans. Et il n'y aura peut-être rien. Et puis à un moment, ça sera peut-être dans le bus. Je prends souvent le bus comme ça, en repérage ou en attente, ou dans le train ou dans l'avion. Peut-être une image va venir. Je suis à l'écoute. Voilà, ça je sais. Je suis très. Et puis aussi, j'ai plein de carnets toujours que je ne relis jamais, mais ça me permet de prendre des notes. Et puis par exemple, dans le train, aujourd'hui, j'ai pris une note. C'est un titre de livre. Alors, je ne sais pas ce que ça va devenir. Il y en a beaucoup comme ça qui ont disparu. Je peux avoir une idée de scène, je la note, et puis je relis plus jamais cette note, et ça disparaît complètement. Et puis peut-être, ça peut être le point de départ de quelque chose que je vais retravailler. Mais patience, patience, beaucoup de patience. Ça ne vient pas tout de suite, mais à un moment, je pense que... Quand même des idées surgissent et à moi de les accueillir. Puisque cet entretien, Jean-Philippe Toussaint, aujourd'hui sous le signe du verbe écrire, alors s'il y a ces scènes qui s'impriment très fortement dans la mémoire de vos lecteurs dont on a parlé, il y a des mots et des ensembles de mots qui travaillent aussi et qui font leur chemin, comme le fait de parler de Marie-Madeleine Marguerite de Montalt. Est-ce qu'il faut dire Montalt? Comment vous prononcez? Moi, je dis Montalt. Montalt? Pour Montalt à la française, pour une raison simple, c'est que le nom Montalt, je l'ai trouvé parce que c'est un des pseudonymes de Pascal, de Blaise Pascal. Donc, dans les provinciales, il signe Louis de Montalt. Et donc, alors en même temps, ce qui est assez bien, c'est que ça peut aussi se prononcer à l'italienne. Donc, il y a les deux. C'est à la fois légèrement méditerranéen et complètement pascalien. Alors, Montalt, je vais rester là-dessus pour l'instant, rien ne la définit mieux que sa disposition océanique. Alors, évidemment, ces deux mots, ensemble, Jean-Philippe Toussaint, ils produisent sans doute sur chacun de vos lecteurs une alchimie différente et en même temps une alchimie qui opère. Enfin, alors là, c'est pareil, ça provient d'où Alors là, ça, c'est très simple. Ça vient de Romain Rolland. Avec le Romain Rolland, dans une lettre à Freud, parle de sentiment océanique. Alors c'est pas tout à fait la même chose. J'aurais repris le mot sentiment océanique si j'avais écrit à la première personne. Mais dès lors que je l'appliquais à quelqu'un, Marie, je trouvais qu'il fallait parler de disposition océanique qu'elle avait parce qu'elle ne pouvait pas avoir, elle, un sentiment. Enfin, ça me semblait pas très français que j'identifiais chez Marie un sentiment océanique. On ressent soi-même un sentiment. Enfin, grammaticalement, c'était mieux de parler de disposition océanique. En plus, je signais, j'apportais ma petite touche. Mais ce sentiment océanique dont Romain Rolland parle à Freud, c'est très simple, il le définit comme ce sentiment de se sentir en adéquation avec l'univers, indépendamment de tout sentiment religieux. Il parle de ça à Freud, et ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est que Freud, ça ne l'intéresse pas tellement. Et qu'en gros, il n'y a pas d'autre. Il y a très peu. Alors, moi, quand j'ai découvert ce mot, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai cherché, et je trouvais ça extrêmement intéressant. Et je me suis dit, je vais lire tous les livres qui parlent du sentiment océanique. En fait, il n'y a rien. Et en gros, il y a juste cette citation, donc ce concept que Romain Rolland a forgé, mais. Après, il n'y a plus rien. Donc, c'était assez une invitation à s'en saisir, à le compléter un petit peu, enfin, sur la même idée, et de l'appliquer complètement à Marie, avec notamment tout ce qui est lié aux éléments naturels, la façon dont Marie est capable de se fondre dans la mer, de se fondre dans l'air, et aussi d'ajouter une autre expression assez connue qui est le don des larmes. Le don des larmes aussi, il y a toute une littérature là-dessus, cette capacité à pouvoir pleurer, et donc que j'associe aussi Marie à aussi le don des larmes, c'est-à-dire qu'à certains moments, justement, lorsqu'elle se sent totalement en fusion avec le monde, avec l'univers, en adéquation totale, elle éprouve une sorte de ravissement, on n'est pas très loin de l'Holbeinstein, qui la fait se dissoudre dans les larmes d'une certaine façon. Et voilà, et ça je trouvais très intéressant, surtout ce que ça développait, un autre côté de Marie, la Marie créatrice de mode, et la mode, par la force des choses, développe tout un univers superficiel, frivole, de ce qui m'intéressait de développer, bien sûr. Enfin, et aussi en complètement la façon dont je décris par exemple le défilé avec la robe en miel, je traite ça comme vraiment. Tout à fait emblématique du XXIe siècle. Les défilés de mode aujourd'hui sont devenus des shows avec de la musique, un spectacle, plus rien à voir avec ce qu'ils étaient même au temps des débuts d'Yves Saint-Laurent. Enfin, je veux dire, il y avait une sorte de sobriété beaucoup plus grande. Maintenant, il y a une sorte de déchaînement de paillettes, de bruit, etc. Ça m'intéressait comme symptôme aussi. Mais je ne voulais pas que le personnage de Marie soit purement fait de paillettes et d'écume. Je voulais aussi contrebalancer, donner une sorte d'ambiguïté au personnage, et qu'elle ait aussi ce côté extrêmement terrien ou lié à l'univers, ou en tout cas lié aux éléments naturels. Et donc ça donne un personnage, du coup, me semble-t-il, tout à fait complexe et du coup plausible, réel. Complexité et subtilité aussi du français. Vous avez expliqué, Jean-Philippe Toussaint, passer du sentiment océanique à la disposition océanique, hein, puisqu'il s'agissait de parler à une troisième personne. Cette langue dont vous écrivez qu'elle est la langue de l'amour et de la perfidie, son ombre vénéneuse, ça c'est dans La Vérité sur Marie. Vous avez un rapport de quelle nature avec la langue française? Alors, je dirais Je réfléchis, on voit que j'ai réfléchi. Enfin, en tout cas, je l'entends. Bon, d'abord, il y a une sorte d'évidence, parce que c'est la seule langue que je pratique. C'est curieux, parce que je voudrais nuancer, mais d'abord dire une sorte d'amour évident, puisque je suis écrivain, donc il y a une sorte d'amour évident. Je trouve que c'est une langue complète. Enfin, je n'en vis aucune autre langue, donc c'est un outil parfait de mon point de vue. Mais en même temps, je n'ai pas un vrai fétichisme. C'est ça la nuance. C'est pour ça que je réfléchissais. J'ai pas un fétichisme de la langue. Et pourtant, donc je dirais, j'ai un rapport assez direct, une sorte d'amour assez sain, assez simple. Et qui aussi, avec le temps, se raffine, enfin, se perfectionne. J'ai beaucoup appris. En 30 ans, depuis que je publie, je tente des figures de plus en plus complexes. Je pense que ce que j'écris est techniquement de plus en plus élaboré, même si j'essaye que c'est toujours une sorte d'illusion de grande simplicité, comme si j'avais écrit ça comme ça d'une certaine façon. Je crois que le fait de tenter des phrases de 2 pages, 3 pages, un certain type de rythme lorsque la fiction s'emballe et d'accompagner l'emballement de la fiction, l'emballement narratif avec un rythme particulier de la phrase, bah, tout ça demande quand même une certaine technique. Et j'y travaille aussi, mais y travailler c'est bien, mais le ressentir instinctivement c'est mieux. Enfin, c'est presque la formule de Picasso, trouver c'est mieux que chercher. Enfin, et donc. Je crois que dans mes premiers textes, j'étais impressionné par la langue française. J'avais pas l'habitude d'écrire d'une certaine façon. Et donc, j'essaie d'écrire des phrases irréprochables. Et donc, si elles étaient courtes, c'était plus facile. Sujet, verbe, complément, normalement, il n'y a pas de souci. Et si on reprend la salle de bain, il était assez rare que je m'aventure avec deux relatives. Peut-être une. Ça allait, mais donc j'avais une sorte de besoin de bétonner. Alors, comme je me relisais quand même déjà 200 fois ou 400 fois, je simplifiais toujours. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à force, je pense, acquis de plus en plus de techniques et je peux me permettre des figures qui sont beaucoup plus complexes. Même si ça reste très important pour moi, je veux toujours que la phrase ait l'air simple. Et une des choses qui est assez curieuse à constater, c'est que j'écris une phrase, comme ça me vient, et puis je fais des efforts pour la complexifier. Et donc elle devient d'une complexité avec 25 ramifications, elle devient terriblement complexe. Et après, je refais un effort de travail pour la resimplifier. Mais la simplification, je veux dire la simplicité finale, en fait, porte le fruit de toutes les tentatives et de toutes les complexités que j'ai tentées, essayées, et parfois je garde une petite chose complexe, mais il y a tout ce processus. Donc chaque phrase simple que j'écris maintenant est riche de toute une complexité étudiée, un peu comme un coup d'échec en fait. Le type il va jouer fou C4, ça a l'air très simple, en plus c'est un coup parfait, mais il a aussi étudié A3, il a aussi étudié cavalier F3, il a aussi étudié tour prend tour. Et fou C4 est porteur de tout ça. Et bon, ça c'est une métaphore échiquéenne. C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Arnaud Laporte rencontre Jean-Philippe Toussaint. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Frédéric Kérou, réalisation Rafik Zénine, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Arnaud Laporte avec Jean-Philippe Toussaint. Thank you. France Culture, un été d'écrivain. Culture, un été d'écrivain, deuxième partie, lecture. Ce soir, autour de Marie, Jean-Philippe Toussaint a choisi de lire des extraits des livres qui composent son cycle romanesque intitulé « Marie, Madeleine, Marguerite de Montalt ». Un cycle consacré à Marie, créatrice de mode et compagne du narrateur. De Paris à Tokyo, en passant par l'île d'Elbe et la Chine, les deux personnages ne cessent de se séparer et de se retrouver. Autour de Marie, feuilleton en 5 épisodes d'après le cycle romanesque de Jean-Philippe Toussaint, publié aux éditions de Minuit. Lecture par Jean-Philippe Toussaint, enregistré en public au musée Calvet dans le cadre du Festival d'Avignon. Deuxième épisode, fuir. Serait-ce jamais fini avec Marie ? L'été précédant notre séparation, j'avais passé quelques semaines à Shanghai. Ce n'était pas vraiment un déplacement professionnel, plutôt un voyage d'agrément, même si Marie m'avait confié une sorte de mission. Mais je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Le jour de mon arrivée à Shanghai, Chang Chang-che, relation d'affaires de Marie, va m'accueillir à l'aéroport. Je ne l'avais vu qu'une fois auparavant à Paris, dans les bureaux de Marie, mais je le reconnus tout de suite. Il était en conversation avec un policier en uniforme, juste derrière les guérites de contrôle des passeports. Il devait avoir une quarantaine d'années, les joues rondes, les traits empâtés, la peau lisse et cuivrée, et portait des lunettes de soleil très noires qui couvraient le haut de son visage. Nous attendions ma valise en bordure du tapis roulant, et nous avions à peine échangé quelques mots en mauvais anglais depuis mon arrivée, qu'il m'offrit un téléphone portable. « Present for you », me dit-il. Ce qui me plongea dans une extrême perplexité. Je ne comprenais pas très bien l'urgence qu'il y avait à me doter d'un téléphone portable, un portable d'occasion assez moche, gris terne, sans emballage ni bonne d'emploi. Pour me localiser en permanence, surveiller mes déplacements et me garder à l'œil, je ne sais pas. Je le suivais en silence dans les couloirs de l'aéroport et je ressentais une inquiétude diffuse, encore renforcée par la fatigue du voyage et la tension d'arriver dans une ville inconnue. Je lui remis l'enveloppe en papier Kraft que Marie m'avait confiée pour lui, qui contenait 25 000 $ en liquide. Il l'ouvrit, fit glisser le pouce sur le tranchant des coupures pour recompter rapidement les billets et referma l'enveloppe qu'il rangea dans la poche arrière de son pantalon. Je n'ignorais pas que Chang Chang-che menait depuis quelques années des opérations immobilières en Chine pour le compte de Marie, peut-être douteuses et illicites, location et vente de baux commerciaux, rachat de surfaces constructibles dans des zones désaffectées, le tout vraisemblablement entaché de corruption et de commissions occultes. Depuis ses premiers succès en Asie, en Corée et au Japon, Marie s'était implantée à Hong Kong et à Pékin, et avait souhaité acquérir de nouvelles vitrines à Shanghai et dans le sud du pays, avec des projets déjà bien avancés, d'ouvrir des succursales à Shenzhen et à Canton. Mais jusqu'à présent, je n'avais jamais entendu dire que ce Chang Changshe était lié au crime organisé. Dans les jours qui suivirent, Chang Changshe se contenta de m'appeler une ou deux fois sur le téléphone portable qu'il m'avait offert pour prendre de mes nouvelles et m'inviter à déjeuner. Depuis mon arrivée, je passais la plupart de mes journées seul à Shanghai. Je ne faisais pas grand-chose, je ne connaissais personne. Mes pas aimantés par le fleuve, je finissais toujours par déboucher sur le Bund, accueilli par son air marin et ses embruns. Je traversais le passage souterrain et je déambulais lentement le long du fleuve. Accoudé au parapet, pensif, je regardais la surface noire et ondulante du fleuve dans l'obscurité, et je songeais à Marie avec cette mélancolie rêveuse que suscite la pensée de l'amour quand elle est jointe au spectacle des eaux noires dans la nuit. Était-ce perdu d'avance avec Marie? Et que pouvais-je en savoir alors? Il n'était pas prévu que j'aille à Pékin pendant ce voyage. La décision d'y passer quelques jours avait été prise à l'improviste. Chang Changshe m'avait téléphoné un soir au pied levé pour me proposer de l'accompagner à un vernissage. L'exposition se tenait à la périphérie de la ville, dans un grand hangar aménagé en espace d'art contemporain, où les artistes présentaient des vidéos mobiles, des projecteurs fixés dans le vide à des tiges métalliques qui se balançaient doucement dans l'obscurité du hangar. C'est là que je fis la connaissance de Li Qi. Elle était assise par terre sur le sol en béton, seule dans la pièce, adossée au mur, longs cheveux noirs et veste en cuir crème. J'avais tout de suite remarqué sa présence, mais je ne lui avais adressé la parole que plus tard, à proximité du buffet. Vin australien et bière chinoise en bouteille, disposés en vrac sur une table à tréteaux qui accueillait des piles de prospectus et des catalogues d'exposition. Elle avait remarqué que je n'étais pas chinois. Sa perspicacité m'avait amusé. « Et qu'est-ce qui vous fait croire ça ?» avais-je dit. « Votre sourire, » avait-elle dit. « Votre léger sourire. » Tout ceci en anglais et sans se départir de ce léger sourire qui nous venait aux lèvres de manière irrépressible depuis que nous nous parlions, qu'un rien déclenchait et que semblait nourrir en permanence le plus bénin combustible. Nous avions été nous asseoir sur un banc dans le terrain vague qui jouxtait la galerie, avec deux bouteilles de Tsingtao, puis quatre, puis six, puis la nuit doucement était tombée. Et nous étions toujours ensemble, silhouettes en ombre on ne peut plus chinoise, éclairées par intermittence, par de mouvants jeux de lumière liquide verte et rouge, qui provenaient des projections vidéo mobiles à l'intérieur de la galerie. Des essais de sonorisation avaient lieu dans le hangar, et de brusques bouffées de métal rock chinois emplissaient soudain l'air calme de cette soirée d'été en faisant vibrer les vitres et sursauter les sauterelles dans la nuit tiède. On ne s'entendait plus sur le banc et je m'approchais d'elle. Mais plutôt que d'élever la voix pour couvrir la musique, je continuais de lui parler à voix basse en frôlant ses cheveux de mes lèvres, tout près de son oreille. Je sentais l'odeur de sa peau, quasiment le contact de sa joue. Mais elle se laissait faire, elle ne bougeait pas, elle n'avait rien entrepris pour se soustraire à ma présence. Je voyais ses yeux dans le noir, qui regardaient au loin en m'écoutant, et je compris que quelque chose de tendre était en train de naître. Elle m'avait expliqué qu'elle devait se rendre à Pékin le lendemain pour son travail et m'avait proposé de l'accompagner. Je ne pouvais rester qu'une ou deux nuits. Rien ne m'empêchait de revenir dès le surlendemain à Shanghai. Le train de nuit était confortable et ne coûtait pas très cher. Et de toute manière, je n'avais rien de particulier à faire à Shanghai, n'est-ce pas? J'avais hésité, pas très longtemps, et je lui avais souri. Je l'avais regardé longuement dans les yeux, en m'interrogeant sur la nature exacte de cette proposition et de ses éventuels, implicites et déjà délicieux, sous-entendus amoureux. Thank you. Nous étions donné rendez-vous avec Litchi devant la gare de Shanghai. J'étais sur le point de penser que Litchi ne viendrait pas. Tout ceci avait été si soudain. La veille, nous ne nous connaissions pas encore. Quand je l'aperçus soudain au loin qui fendait la foule pour me rejoindre. Mais quasiment dans le même temps, dans son sillage pour ainsi dire, à quelques mètres derrière elle, j'aperçus Chang Changshe qui s'avançait lentement dans la nuit derrière ses lunettes noires. Je ne comprenais rien à ce qui se passait et je me sentis soudain envahi par une vague d'inquiétude, de déplaisir et de doute. Après avoir salué nos retrouvailles d'un sourire qui me parut ironique, voire légèrement goguenard, comme s'il voulait souligner le mauvais tour qu'il venait de me jouer ou que j'aurais essayé moi-même de lui jouer et dont il n'aurait pas été dupe, Chang Changshe s'éloigna de quelques pas pour passer un coup de téléphone sur son portable. Que faisait-il là ? Avait-il simplement accompagné Litchi à la gare ? Certes, il n'y avait rien d'étonnant à ce que Litchi et Chang Changshe se connaissent, c'était même par lui que j'avais fait sa connaissance, mais je ne comprenais pas comment il avait été mis au courant de notre voyage, et je fus encore plus désorienté quand Litchi m'apprit qu'il venait avec nous à Pékin. Le train de nuit était immobilisé sur le quai de la gare de Shanghai, et nous longions de longs wagons bombés éclairés de l'intérieur, à travers lesquels se devinaient des rangées de couchettes illuminées dans les compartiments. Nous avions gagné nos couchettes et je me tenais couché sur le dos, immobile dans la chaleur lourde du compartiment que baignait une faible veilleuse bleue. Chang Changshe était allongé à côté de moi sur la couchette voisine, les pieds nus, le corps tourné vers la paroi. J'entendais sa respiration régulière. Il s'était endormi immédiatement. Il n'y avait pas un bruit dans le compartiment, si ce n'est le grondement régulier du train qui filait vers Pékin. Litchi était étendu juste au-dessus de moi sur la couchette médiane. Je ne pouvais pas la voir, mais je sentais qu'elle ne dormait pas. Parfois, je l'entendais bouger délicatement sur sa couchette. Les yeux ouverts dans la pénombre, je pensais à elle, à la douceur de son regard et à son nom qui avait un goût de fruit. Nous avions déjà échangé tant de signes d'attirance réciproque depuis le début du voyage, des effleurements et des regards, d'infimes déclarations d'amour clandestines et secrètes. Nous ne nous étions pas encore embrassés parce que les circonstances ne s'y étaient pas prêtées. Il était même possible que nous ne nous embrassions jamais. Qu'importe. J'aimais sa réserve parce que j'aimais ma timidité. Nous avions conscience que nous nous plaisions. Nous le savions l'un et l'autre, et savions que l'autre le savait. Mais ce qui manquait encore, et manquerait peut-être toujours, c'était l'occasion, le moment opportun, la faveur ou la saison. Une dizaine de minutes s'écoula encore. Il faisait très chaud dans le compartiment. J'avais entrouvert ma chemise, et je transpirais sans bouger sur ma couchette, les bras le long du corps. Je continuais de penser à Litchi allongé sur la couchette supérieure, quand un de ses pieds apparut dans mon champ de vision, dans la pénombre bleutée du compartiment, isolé et hésitant, en chaussettes blanches, qui pendaient dans le vide au-dessus de ma tête. Puis l'autre pied, également en chaussettes, ses deux pieds bientôt suivis de tout son corps, au ralenti et torsadé, qui se laissa glisser souplement vers le bas, un des pieds marquant un léger temps d'arrêt sur le bord de ma couchette pour rejoindre avec agilité d'un petit bond le sol du compartiment. Silhouette silencieuse et légère, elle évoluait sans bruit, furtive, ses sandales à la main, qu'elle chaussa l'une après l'autre dans le couloir en déséquilibre sur une jambe. Sa tête reparut dans le compartiment et se pencha tout doucement vers moi. Elle me sourit, un doigt sur les lèvres, tandis que nos regards se croisaient et communiait une fraction de seconde dans l'intelligence de cet instant. J'avais pris mon sac à dos, j'avais rejoint Litchi sans bruit dans le couloir. Nous marchions l'un derrière l'autre dans le train endormi, titubant le long des vitres pour remonter le convoi de wagon en wagon. Nous avions pris place sur le sol et nous bavardions à voix basse dans le train endormi. Et nous nous embrassâmes là, assis à même le sol, dans le vacarme du train qui filait dans la nuit. Par la vitre crasseuse de la porte du train, défilaient des fils électriques et des caténaires dans le ciel. J'effleurais les mains et les bras nus de Litchi, je touchais ses épaules, laissant courir mes doigts sur sa peau tiède. Et lorsque je soulevais son vêtement pour lui caresser le ventre et remonter le long de ses seins, je la sentis halter contre mon oreille et en même temps se relever, se redresser sur ses talons et lentement remonter le long de la paroi en m'entraînant avec elle sans retirer ma main de sous le vêtement. Elle me souffla qu'on ne pouvait pas rester là et regardant autour d'elle avec inquiétude, s'éloignant en me prenant par le bras, nous fîmes quelques pas en trébuchant sur les canettes de bière qui se renversèrent à nos pieds et elle me fit entrer dans le cabinet de toilette, me poussa contre le lavabo et plaqua ses lèvres contre ma bouche. C'était un réduit exigu, violemment éclairé. J'avais soulevé les trois bustiers noirs de Litchi qui lui collaient au corps et l'avait fait passer par-dessus sa tête, le dégageant de ses longs cheveux auxquels il resta collé un instant par l'aimant d'une décharge d'électricité statique qui me parcourut les doigts comme si je m'étais accroché à un chapelet de fils de fer barbelé. Lorsque je voulus dégrafer son soutien-gorge, je la sentis se dérober avec grâce, dans une torsion souple et glissante, se défaire de mon étreinte et aller fermer la porte, abattre le loquet. Je levai la main et lui caressai doucement la poitrine, lentement, tandis que je sentais qu'elle se cambrait contre la porte, collait son bassin contre mon corps en gémissant. Puis d'un coup, nous nous immobilisâmes. Quelqu'un venait d'essayer d'entrer dans le cabinet de toilette. Nous ne bougeons plus. La personne qui avait essayé d'ouvrir n'avait pas insisté. Elle s'était éloignée. On n'entendait plus le bruit de l'autre côté de la porte, si ce n'est le grondement égal du train dans la nuit. Mais quand, à peine quelques secondes plus tard, j'entendis le téléphone retentir à l'extérieur du cabinet de toilette, je compris aussitôt que c'était le téléphone portable qu'on m'avait offert qui sonnait dans mon sac à dos. Et je sentis mon cœur battre très fort. Je ressentis de la terreur, un mélange de panique, de culpabilité et de honte. J'avais toujours eu des relations difficiles avec le téléphone. Une combinaison de répulsion, de trac, de peur immémoriale, une phobie irrépressible que je ne cherchais même plus à combattre et avec laquelle j'avais fini par composer, dont je m'étais accommodé en me servant du téléphone le moins possible. J'avais toujours plus ou moins su inconsciemment que cette peur du téléphone était liée à la mort, peut-être au sexe et à la mort. Mais jamais avant cette nuit, je n'allais avoir l'aussi implacable confirmation qu'il y a bien une alchimie secrète qui unit le téléphone et la mort. Chang Chang-che était là derrière la porte. Il n'était pas parvenu à me faire ouvrir de mon plein gré, et il avait imaginé ce stratagème pour m'obliger à sortir. Sans doute ne dormit-il pas quand nous avions quitté le compartiment. Sans doute faisait-il seulement semblant de dormir, allongé sur sa couchette, le visage tourné vers la cloison, l'oreille aux aguets. Il avait tout écouté et savait pertinemment ce qui était en train de se passer. Il s'était relevé dès que nous avions quitté le compartiment. Il nous avait suivis sans bruit dans le couloir. Il nous avait guettés tout le temps et il attendait maintenant caché derrière la porte. Il était dissimulé dans l'ombre, à l'angle du couloir, et il surveillait la porte du cabinet de toilette. Il avait la porte en point de mire et il attendait que je sorte, que je m'avance à terrain découvert. Je guettais le moindre bruit dans le couloir. Le téléphone sonnait toujours à l'extérieur du cabinet de toilette, résonnait dans mon cerveau. Les sonneries me brûlaient les tempes, faisaient vibrer la surface de mes nerfs, me paralysaient les membres en même temps qu'elles me forçaient à agir, à bouger, comme un simple réflexe, un acte irréfléchi, le commandement inconscient qu'il y a de répondre quand on entend le téléphone sonner. Je soulevai le verrou et me jetai en avant dans le vacarme. Je ne voyais personne. Je ramassai mon sac à dos à la volée et m'emparai du téléphone en ouvrant brusquement la porte de communication pour m'engager dans le sas protégé qui sépare les wagons. Et je fus accueilli par un souffle chaud, le violent appel d'air qui hurle dans cet espace enténébré où règne le terrifiant grondement du train lancé à pleine vitesse dans la nuit. Je traversais en courant l'étroite passerelle qui tressautait sous mes pieds au-dessus du vide pour passer dans l'autre wagon. Je ne parvenais pas à trouver la touche pour décrocher. Cela faisait déjà un moment que je disais « Allô, allô » dans le vide, quand mes yeux tombèrent sur la grande tache de sang séché au corps de la porte brisée qui séparait les compartiments. Et que parvenant enfin à avoir la communication, les yeux fixés sur le fragment de plastique mal accroché qui battait furieusement au vent dans la nuit, j'entendis faiblement au loin la voix de Marie. C'était Marie qui appelait de Paris. Son père était mort. Elle venait de l'apprendre quelques instants plus tôt. Ce qui me frappa le plus sur l'instant, c'est qu'elle ne pleurait pas. Pas de sanglots, pas de cris, pas de gémissements. Sa voix était apparemment calme. Un léger tremblement dans le timbre et beaucoup de halètements et de précipitations pour me relater avec confusion le coup de téléphone que venait de lui faire Maurizio, le gardien de la maison de l'île d'Elbe où son père passait l'été. Maurizio venait de l'appeler pour lui apprendre la mort de son père, brutale, accidentelle, par noyade ou malaise cardiaque, ou les deux. Il n'avait pas été clair et il l'était encore moins. Elle se trouvait au Louvre en ce moment, au musée du Louvre, abattue sur un banc, jusqu'où elle avait titubé quand elle avait appris la nouvelle. L'accident avait eu lieu en début d'après-midi, et il était maintenant 5 heures à Paris. 5 heures et demie, elle ne savait pas. « Je ne sais pas. Je n'en sais rien, » dit-elle. « Il fait jour. Il fait terriblement jour. » Marie, je le compris au léger chaos qui se firent alors entendre dans le téléphone, s'était levée et elle quittait le Louvre. Elle traversait les salles en direction de la sortie. Silhouette vacillante, chancelante. Ses doigts tremblaient, la lumière du soleil lui brûlait les yeux. Elle accélérait le pas et tâchait de quitter au plus vite les 200 mètres en enfilade de la grande galerie, comme pour fuir la nouvelle qu'elle venait d'apprendre. Déviant à peine sa trajectoire et n'hésitant pas à bousculer les visiteurs qui se trouvaient sur son chemin, fendant ici, éperonnant là, un bras en éclaireur, laissant dans son sillage une onde de tête qui se retournait sur son passage dans un murmure d'incrédulité et de désapprobation. J'écoutais Marie en silence. J'avais fermé les yeux et j'entendais sa voix passer de mon oreille à mon cerveau, où je la sentais se propager et vivre dans mon esprit. Je n'écoutais pas vraiment ce qu'elle disait, abattu par la nouvelle dont je ne parvenais pas à prendre encore la mesure. J'écoutais simplement sa voix, la texture fragile et sensuelle de la voix de Marie. Je me sentais submergé par l'envie de pleurer et je me raccrochais à cette voix douce qui me berçait. Je collais avec force l'appareil contre mon oreille pour faire pénétrer la voix de Marie dans mon cerveau, dans mon corps, au point de me faire mal, de me rougir le pavillon de l'oreille en plaquant le plastique chaud, moite, humide de l'appareil contre ma tempe endolorie. Les yeux fermés et sans bouger, j'écoutais la voix de Marie qui parlait à des milliers de kilomètres de là et que j'entendais par-delà les terres infinies, les campagnes et les steppes, par-delà l'étendue de la nuit et son dégradé de couleur à la surface de la terre, par-delà les clartés mauves du crépuscule sibérien et les premières lueurs orangées des couchants des villes est-européennes. J'écoutais la faible voix de Marie qui parlait dans le soleil du plein après-midi parisien et qui me parvenait à peine altérée dans la nuit de ce train. La faible voix de Marie qui me transportait littéralement comme peut le faire la pensée, le rêve ou la lecture. Quand en dissociant le corps de l'esprit, le corps reste statique et l'esprit voyage, se dilate et s'étend, et que lentement, derrière nos yeux fermés, naissent des images et ressurgissent des souvenirs, des sentiments et des états nerveux, se ravivent des douleurs, des émotions enfouies, des peurs, des joies, des sensations, de froid, de chaud, d'être aimé, de ne pas savoir, dans un afflux régulier de sang dans les tempes, une accélération régulière des battements du cœur et un ébranlement comme une lézarde dans la mer de larmes séchées qui est gelée en nous.